Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous continuons ensemble dans notre chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Notre bon Père du ciel, mon désir unique, si je peux dire ici, en étudiant ce chapitre 11, c'est que mon nom soit dans la liste de ces gens-là. Je crois que la liste n'est pas exhaustive ici. Elle ne parle pas de tous les gens de foi de toute l'histoire, mais elle en nomme quelques-uns qui sont des exemples pour nous. Mais à la suite de ces noms, se sont rajoutés des hommes et des femmes à travers tous les siècles. Et je veux que mon nom soit là aussi, et le nom de ceux qui écoutent ces vidéos. Si notre nom n'est pas écrit, nous sommes dans le pétrin, dans les difficultés, dans la condamnation. Car sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Ô Seigneur, instruis-nous, montre-nous la foi, la vraie foi. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. N'oublions pas que ce chapitre 11 n'a pas été écrit pour emmener des gens à la foi. Nous avons vu en s'en allant dans les premiers chapitres que l'auteur croit que les hommes et les femmes à qui il écrit ont la foi. Donc le but n'est pas de les emmener à la foi, mais qu'ils persévèrent dans la foi qu'ils ont. Et vous allez voir que tout au long de ce chapitre, le plus important, ce n'est pas la foi comme telle, mais la persévérance qui va découler de la foi. Tout au long du chapitre, il va démontrer que les hommes et les femmes cités en exemple ont la foi, mais surtout qu'ils sont morts dans la foi. Parce que c'est ce qu'il veut emmener son auditoire à faire. Il croit qu'ils ont commencé dans la foi. L'auteur croit qu'il croit en Dieu, qu'il croit en Jésus-Christ, qu'il croit aux Écritures de l'Ancien Testament. Il croit. Mais ils sont en train de lâcher. Et il va leur démontrer, par les témoins, que la foi qui plaît à Dieu, la foi qui reçoit un témoignage favorable de Dieu, comme les anciens ici, c'est une foi qui persévère. Les gens qui ont la vraie foi sont tous morts dans la foi. Si vous ne mourrez pas dans la foi, vous n'êtes pas favorable à Dieu. C'est parce que, à un moment donné, vous arrêtez de croire aux choses que vous espériez. Vous ne croiriez plus aux choses que vous ne voyez pas, les choses invisibles. Nous, il nous faut persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ça que je vous avais dit au début, Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, la foi sans la persévérance est morte. Nous allons regarder des textes ce matin, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il part encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous allons voir deux de ces anciens qui sont donnés en exemple ici ce matin. Premièrement, c'est Abel. Je vais donner les textes de l'Ancien Testament. Si vous ne connaissez pas ces anciens, si vous n'avez jamais lu leur histoire de l'Ancien Testament, je vous encourage à le faire et ça va vous donner une bien plus belle image du chapitre 11 d'Hébreu. Donc, Caïn et Abel, Genèse chapitre 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il offrit à Dieu, invisible, ce qu'il ne voyait pas, mais il croyait que Dieu existait, il croyait que Dieu voyait ce qu'il faisait, et il offre un sacrifice plus excellent. Il est donc difficile de savoir pourquoi il était plus excellent que celui de son frère. Et la Bible nous dit que Abel, lui, était berger et avait offert un agneau à Dieu en sacrifice. Caïn était un cultivateur et avait offert à Dieu des légumes. Et Dieu dit que le sacrifice que Abel a fait était plus excellent. Et c'est par la foi qu'il a offert ce sacrifice-là. Il est dur de savoir comment, est-ce qu'il le savait, est-ce que Dieu leur avait dit, est-ce que... Je crois que d'une façon quelconque, Dieu avait fait savoir aux êtres humains à partir d'Adam ce qu'il voulait comme sacrifice. Comment aurait-il pu savoir? Parce que, dans le fond, on pourrait dire, Caïn a offert ce qu'il avait, puis Abel a offert ce qu'il avait. Et pourquoi est-ce que là, Dieu serait méchant de faire du favoritisme un envers l'autre? Ils ont offert ce que chacun avait. Mais je crois que la seule façon de comprendre, c'est que Dieu avait fait savoir aux hommes ce qu'ils voulaient. Et Caïn ne l'a pas fait. Comme dans ce monde aujourd'hui. Dieu a fait savoir à travers les Écritures, à travers les siècles, ce qu'il voulait. Mais les gens viennent comme Caïn avec ce qu'ils ont, puis offrent ça à Dieu, croyant que Dieu va les accepter. Mais Abel, lui, vient à Dieu avec un sacrifice plus excellent, ça veut dire qu'un sacrifice que Dieu accepte, que Dieu voulait. Et il dit, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Elle, c'est pas le sacrifice, c'est pas la victime, c'est sa foi. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. On n'est jamais déclaré juste par les choses qu'on offre, qu'on donne, mais par la foi. C'est la foi qui nous rend juste. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Et non pas par les sacrifices que nous faisons ou les choses que nous offrons à Dieu. Combien de gens font des choses pour Dieu? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il part encore quoi que mort. Elle, sa foi. Donc, Caïn, pendant toute sa vie, a offert à Dieu des sacrifices que Dieu voulait, que Dieu avait demandé. Et l'auteur dit, c'est par elle, cette fois-là, qu'il parle encore aujourd'hui, quoique mort. Même, je crois qu'il tentait de vouloir ressortir, jusqu'à la mort, il le fait, et que même mort encore aujourd'hui, il nous fait comprendre que c'est par la foi qu'il faut agir, et non pas selon nos propres pensées. Il n'y a pas de foi sans les paroles de Dieu déclarées. Comment pouvait-il avoir la foi en Dieu si Dieu n'aurait pas déclaré à Caïn et à Abel et à Adam et aux autres qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils s'attendaient? Tu ne peux pas croire si Dieu n'a pas parlé. Mais comment pourrait-il croire que Dieu existe si Dieu n'avait pas parlé premièrement? Dieu a dû se révéler, Dieu a dû dire qui il était, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'il avait créé le monde et qu'est-ce qu'il voulait. Avant que Dieu parle, il est impossible d'avoir la foi. Il est impossible. C'est pour ça que dans tous les mouvements religieux, ben, on va avoir la foi dans ce que le Dieu a dit à quelque part. Donc, Abel a la foi et sa foi se manifeste dans le fait qu'il accomplit ce que Dieu avait demandé. Et il a été approuvé, il a été accepté, il a reçu un témoignage favorable et non pas Caïn. Hein? On sait qu'on connaît l'histoire. Finalement, Caïn a tué Abel et Dieu a rejeté Caïn et a été favorable envers Abel. Le deuxième ancien qu'on voit, c'est Énoch. Énoch, lui, dans la Bible, Genèse chapitre 5. On ne connaît pas beaucoup d'Énoch. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Énoch a été enlevé sans qu'il goûte la mort. Et Dieu est venu le chercher, un peu comme il est venu chercher Élie. Énoch a été enlevé par Dieu afin qu'il ne goûte pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu un témoignage favorable de Dieu. Il était agréable. Et quelle sorte de vie avait-il fait pour qu'il soit agréable? C'est ce qu'on pense habituellement. Mais le texte nous dit au verset 6, Ah, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pourquoi est-ce que Enoch a été enlevé? Pourquoi est-ce que Enoch a été pris et qu'il ne goûte pas la mort, qu'il fut emmené dans la présence de Dieu? C'est parce que c'était un homme de foi. Il croyait en Dieu. C'est la foi qui l'a rendu agréable à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est marqué au verset 6, il est impossible de lui être agréable. Pensons bien là. Il a la foi et il perçoit Dieu non pas comme il le veut, mais comme Dieu s'est révélé. Comprenez bien ça. Il est impossible d'avoir la foi sans que Dieu ait parlé d'abord. Parler de lui, parler de son plan, parler de ses promesses, parler du futur qu'il va emmener, parler de ce qu'il va faire. Et là, moi, je crois en Dieu et ce qu'il a dit. Si Dieu n'a pas déclaré quelque chose, je peux pas lui dire j'ai foi que Dieu va faire cela s'il l'a pas déclaré. T'as bien beau le dire que t'aimerais ça que Dieu le fasse. Mais c'est pas ça la foi dont on parle ici. Donc, mais remarquez bien que Énoch ici, quand Dieu est venu le chercher, il marchait encore avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il croyait. Dieu n'est pas venu le chercher dans sa vie. Ah, oh ben, tu sais, mon Enoch, là, t'as cru pendant une secousse, là, hein, mais là, ça fait une quinzaine d'années que tu ne crois plus en moi, mais pas grave, je vais le chercher quand même pour te montrer que j'étais content le bout que tu as fait avec moi. Non, non, non, non, non, non. Quand Dieu est venu chercher Énoch, Énoch était encore dans la foi. Et il est impossible de lui plaire, peu importe la vie que l'on fait. Si je ne crois pas en Dieu, Parce qu'il est marqué au verset 6, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Comment peux-tu avoir foi en quelque chose qui n'existe pas? Et si tu ne crois pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu n'as pas la foi. Si tu crois que Dieu t'a créé, puis qu'il t'a mis là, puis qu'il est parti, puis s'occupe plus de toi, puis ça n'occupera jamais de toi, mais tu ne crois pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui ont foi en lui. Dieu va est celui à qui tu vas rendre compte, mais tu meurs. Il est le rémunérateur. Il est celui qui va te donner ce que tu espères. C'est celui qui va te donner les choses invisibles que tu ne vois pas encore. Mais Abel et Enoch sont cités ici non pas seulement parce qu'il avait la foi que Dieu existait, qu'il était le créateur du monde et qu'il accomplirait ce qu'il a promis, mais ils sont morts tous les deux dans la foi. C'est très fort comme argument, parce qu'il parle à des gens qui ont envie de lâcher. Donc, il dit, vous ne recevrez pas un témoignage favorable de Dieu si vous abandonnez. Peu importe, ça fait combien de temps que vous marchez. Si vous abandonnez, vous ne lui êtes plus agréable. Frères et sœurs, c'est ce que le texte nous dit. Si tu ne marches pas dans la foi jusqu'à la fin de ta vie, tu ne lui es pas agréable. Essayez pas de chercher des exceptions, là. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont malades, puis ça ne savent plus si Dieu existe, qui sont Alzheimer, puis ne se souviennent plus de leur salut. C'est pas ça dont on parle ici. On parle de mourir dans la foi. On parle de personnes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, qui croient aux promesses de Dieu, qui croient que Christ a dit qu'il reviendrait un jour, qu'il établirait les nouveaux cieux, nouvelles terres, et qu'à un moment donné, avant qu'il devienne Alzheimer, avant qu'ils deviennent malades, ils rejettent cette foi-là, ils renient tout cela, ils sont perdus. Et l'auteur va répéter dans le chapitre 11, il va être impossible de revenir. Comme il avait dit au chapitre 6 et au chapitre 10. La foi, c'est de croire que Dieu existe, parce qu'il s'est révélé. C'est de croire qu'il a créé le monde à partir de rien, parce qu'il l'a révélé. C'est de croire que les promesses qu'il a faites, comme il avait faites à Adam et Ève, de l'homme et la femme va naître quelqu'un qui va vous sauver, qui va écraser la tête du serpent. Et si Adam et Ève ont cru ça jusqu'à la fin de leur vie, ils ont été agréables à Dieu, comme Abel et comme Enoch. Marchons dans la foi jusqu'à la fin. Notre bon Père du ciel, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit un jour dans Romains 10, « Comment vont-ils croire s'ils n'entendent pas? » La foi n'est inexistante s'il n'y a pas de contenu. Il faut qu'ils entendent pour croire. Il faut que Dieu se révèle pour qu'on ne puisse croire. Ce que Dieu n'a pas révélé, nous n'avons pas besoin de foi pour le croire, Seigneur. Mais ce que tu as révélé, nous le croyons. Nous le démontrons. Nous le prêchons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.